et je ne me laisse pas guider par la peur. Comme disait le penseur Osho, la peur chasse l'amour et l'amour chasse la peur. Quatrième affirmation. Je m'aime inconditionnellement parce que c'est essentiel à mon bonheur. J'aime mon corps, j'aime mon esprit, j'aime qui je suis. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour m'aimer complètement. Cinquième affirmation. Je vais boire de l'eau, manger des fruits et légumes, marcher, prendre les escaliers. Bref, aujourd'hui je fais du bien à mon corps. Sixième affirmation. Je pratique la parole impeccable. Il ne m'est pas utile de dire du mal des autres ou de moi-même. Septième et dernière affirmation. Je donne partout où je vais, que ce soit un sourire, un compliment ou tout simplement ma pleine attention. L'écoute est le plus beau cadeau que je peux donner à mon entourage. Pense maintenant à quelqu'un que tu es reconnaissant d'avoir dans ta vie. Et essaye de ressentir dans tout ton corps la joie que tu as quand tu partages un moment privilégié avec cette personne. quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux pour progressivement sortir de la méditation. Prends doucement conscience de ce qui t'entoure. Les couleurs autour de toi. Les bruits ambiants. Peut-être une odeur. J'espère que cette méditation t'a été agréable et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.